Chapitre 2e. Une place au soleil. Le prince de Chalais rentra chez lui fatigué des émotions de la nuit, du bonheur qu'il avait reçu, de la promesse dangereuse qu'il avait donnée en échange. Il allait se reposer quelques heures, lorsqu'une émotion plus vive encore, s'il est possible, vint allumer son regard et ébranler sa poitrine. Sur sa cheminée était une large enveloppe au cachet du roi, qui, ouverte à ses yeux, lui montra la décoration du Saint-Esprit et le brevet qu'il la lui concédait. Cette faveur insigne, accordée à un homme de son âge, était accompagnée de quelques mots bienveillants tracés de la main même de Louis. « Oh, mon prince bien-aimé, dit le jeune homme en laissant tomber une larme sur ce papier, vous pensiez à moi, vous prépariez une douceur pour mon âme tandis que je promettais, sans hésitation, sans remords, d'entrer dans une ligue qui vous est ennemie, qui se dresse contre votre volonté et va renverser un ministre qui est un autre vous-même. Mon Dieu, et je l'ai juré. » Les regrets de Chalais furent longs et douloureux, car l'esprit du jeune prince était faible, vacillant, et en même temps son âme avait des trésors de tendresse infinie qui lui faisaient un culte de la reconnaissance, une loi du dévouement, et au besoin de se sacrifier pour tout ce qu'il aimait d'amitié ou d'amour. Tandis qu'il est plongé dans ses inquiètes méditations, jetons un regard en arrière sur la jeunesse de ce jeune prince et son arrivée à la cour. Descendant des princes de Talleyrand, qui possédaient autrefois le Périgord, confisqué par Charles VI pour être réuni au domaine de la couronne, le père de Chalais obtint de Henri III d'être réintégré dans le séjour de ses ancêtres, c'est-à-dire de reprendre la possession de leur manoir sans toutefois ressaisir l'empire qu'ils avaient sur la province. Le jeune Henri Talleyrand perdit son père en bas âge et demeura pendant toute sa jeunesse confié aux soins de sa mère. Quelle que fût la supériorité d'esprit de Madame de Chalais, cette éducation maternelle eut le résultat de développer les facultés aimantes du jeune homme au-dessus de toutes les autres. La piété y domina. Henri grandit, plus instruit aux sentiments qu'à la raison, plus formé à la fois aveugle qu'à l'expérience des choses. Connaissant cependant de la docte théologie, de l'histoire de son pays, de la gaie science des lettres et des brillants exercices du corps, tout ce qu'il fallait pour se présenter d'une manière honorable dans le monde. Lorsqu'il eut atteint 22 ans, sa mère, pressée par les instances d'anciens amis qu'elle avait dans la maison du roi, se décida à le laisser partir pour la cour de France. Ce fut un jour du mois d'octobre que le jeune Henri quitta pour la première fois le château de ses pères. Ce jour-là, vers 4 heures du matin, Madame de Chalais monta dans sa chambre pour lui dire adieu et lui donner un reliquaire qu'elle avait porté toute sa vie. La simplicité austère de la robe qu'elle avait revêtue à la hâte et l'absence de tout ornement répandaient un air de deuil sur sa personne, car on était accoutumé à la voir mise avec l'éclat qui convenait à son rang et maintenait sa dignité aux yeux de sa maison. Le jour n'étant pas encore levé dans cette arrière-saison, rendait nécessaire un flambeau de cire blanche qui brûlait dans la chambre, et seul dans cette enceinte, l'éclairait d'une teinte faible et mélancolique. Madame de Chalais s'assit près de son fils, qui, levé depuis quelques heures, avait veillé à ses derniers préparatifs, et maintenant, à genoux devant le crucifix, faisait la prière du départ. La triste mère le contempla longtemps en silence. Il était si beau dans cette humble attitude, l'air noble et fier encore, prosterné à 2 genoux. Sa figure régulière et douce se détachait en éclatante blancheur dans la teinte grise de l'atmosphère. Ses cheveux bruns retombaient en riches anneaux de chaque côté de son cou. Par la manière dont la lumière était placée, la silhouette du jeune homme se dessinait avec le trait le plus régulier sur un panneau de la muraille nue en cet endroit et garni de chaque côté des fleurs dont Madame de Chalais se plaisait à parer la demeure de son enfant. Elle prit un crayon et dessina avec soin sur le mur le contour de cette figure admirable, qui resta ainsi fixée au milieu de ses fleurs, comme une céleste image sur un autel. Ce fut ainsi, dit-on, qu'une fille de l'Antiquité préluda à la science du dessin. Madame de Chalais, qui ne connaissait rien de l'histoire ancienne, eut la même idée qu'elle dans la même situation. Qu'il soit de la Grèce primitive ou de la France moderne, le cœur d'une femme a les mêmes inspirations. Et qu'il appartienne à l'âme d'une jeune fiancée ou d'une pieuse mère, l'amour est toujours l'amour. J'aurais retenu quelque chose de ton séjour ici, mon enfant, lui dit-elle, par ce faible dessein qui te rappellera. En ton absence, ta chambre sera toujours décorée de meubles luisants et de courtines blanches, et j'y ferai entretenir les fleurs que tu aimais, comme si tu devais chaque soir revenir l'habiter. Je monterai m'y asseoir comme à 7 heures. Je viendrai y respirer ton souvenir dans tous les moments de douceur que je pourrai me donner. Ma mère, laissez-moi espérer que mes prières vous entraîneront et que vous viendrez habiter la cour auprès de moi. Tant que tu seras heureux, je ne le ferai pas. Mais si jamais le moindre malheur venait t'atteindre, tu ne serais pas seul à le supporter seul. Que viens-je d'entendre ? Dit Chalet. C'est le cri de la chouette, répondit sa mère en pâlissant un peu. Elle rentre dans sa retraite au premier rayon du jour. Elle fait entendre son cri quand vous parlez de malheur, ma mère. Hélas, elle appuie vos doutes d'un funeste présage. Tout était prêt autour du jeune prince pour l'instant du départ, et on entendait sous les fenêtres la voix des domestiques et le hennissement des chevaux. Madame de Chalais et son fils ouvrirent une croisée pour savoir si l'aube répandait déjà assez de lueur pour rendre les chemins praticables. Cette fenêtre donnait sur la route par laquelle le voyageur allait se diriger vers Paris. En relevant les yeux de la campagne au ciel, ils virent précisément au-dessus du grand chemin une étoile qui filait. À ce second présage funeste, plus décisif que tout autre dans cette crédule province, Madame de Chalais ne put retenir des pleurs qu'elle dévorait depuis longtemps, et ce fut au milieu de ses larmes de crainte, autant que de douleur, qu'elle reçut les derniers baisers de son fils. Chalais demeura d'abord peu de mois à la cour de France. À peine avait-il eu le temps de la connaître un peu et d'être connu d'elle, qu'il eut un haut grade militaire et partit avec Montmorency pour la guerre des Huguenots, où les deux jeunes et vaillants capitaines firent merveille. Après 18 mois d'absence, Chalais fit de nouveau son entrée dans les cercles de la famille royale. Il allait sans doute demeurer là, confondu dans la foule dorée, remarqué tout au plus par sa charmante figure et son noble caractère, lorsqu'un seul instant décida de sa fortune. On donnait des concerts dans les réunions particulières de la cour au château de Saint-Germain. Là, on entendait quelquefois encore des chanteurs italiens que Marie de Médicis avait fait venir, bien des années auparavant, de sa chère Toscane. Louis, qui n'aimait rien de ce qui lui rappelait le souvenir de sa mère exilée par lui, affectait de ne prendre nulle part à ce divertissement. Il s'était retiré dans la profonde embrasure d'une croisée. Il se trouvait là un groupe de jeunes seigneurs qui causaient au lieu d'écouter. Le roi leur fit signe de continuer leur entretien et demeura à cette place, le coude appuyé sur la fenêtre, moitié à prêter attention à ce que disaient ces jeunes hommes, moitié à suivre d'un regard mélancolique les bateaux qui descendaient paisiblement le cours de la rivière. « Non, » disait le prince de Chalais qui se trouvait dans cet aparté. « Non, ce ténor italien avec ses fioritures, ses roulades sans fin, ses coups de gosier prétentieux, ne vaut pas un chanteur inconnu et solitaire que j'ai entendu l'autre jour par hasard. »« Dans quel endroit ? » lui demanda-t-on. « Je ne saurais pas trop le préciser, mais c'était dans la profondeur de ce bois. » Il indiquait la forêt de Saint-Germain. Sa voix sortait d'une tourelle étroite et enfouie dans la partie la plus sombre et la moins fréquentée de la haute futaie. « Contez-nous cela, Chalais, » dit le roi, dont l'attention parut agréablement éveillée. La nuit venait de tomber. Je m'étais à peu près égaré en me promenant dans le bois, et je parcourais les longues allées silencieuses de la réserve, sans trop savoir laquelle me ramènerait au château. Peu à peu, j'entendis le son d'un luth mêlé à une voix mélodieuse. Je me dirigeais du côté où cette douce musique m'appelait. Elle me fit traverser, pour m'approcher d'elle, le plus épais fourré. Quand je fus là, une ombre profonde m'entourait, mais bientôt mes yeux, accoutumés à l'obscurité et aidés d'une faible lumière, découvrirent une espèce de tour assez noire, dont le toit d'ardoise pointue ne perçait pas les plus hautes branches des chênes et qui ne montrait d'ouverture qu'une étroite fenêtre d'où partaient les sons que j'avais entendus et d'où tombait la demi-clarté que je découvrais en ce moment. La voix, qui était celle d'un jeune homme, continua de se faire entendre, et rien de plus doux et de plus suave n'est jamais arrivé à mon oreille. « Vous souviendriez-vous de quelques paroles de ce chant ? » demanda Louis. « Oh, je pourrais les répéter tout entière. Elles étaient d'une délicieuse tristesse. Le malheur qu'elles peignaient n'était pas de ceux que nous sentons d'ordinaire, nous autres hommes, et c'était une peine d'un ordre plus élevé, qui semblait venir du néant des plus belles choses mêmes, et de la certitude de les avoir possédées en vain. C'était comme les murmures d'un ange qui se serait plaint du ciel. La voix qui laissait couler ce chant était si sonore et si pure qu'un rossignol, qui à la fin de chaque couplet essayait de se faire entendre, se taisait aussitôt qu'elle reprenait ses mélodies. Sans rien voir de celui à qui appartenait cette voix, on pouvait s'imaginer qu'il avait une figure délicate et pâle, les yeux d'une douceur sérieuse, une bouche mince et pure, mais décolorée par le soupir continuel qui errait sur elle. Oh non, je n'oublierai jamais le chanteur solitaire et la délicieuse musique qui se fit entendre cette nuit-là pour moi seul, pour un rossignol vaincu et pour les rameaux frémissants de la voûte du bois. Le lendemain, Chalais reçut le brevet de grand maître de la garde-robe, titre honorifique, qui n'impliquait aucun emploi, mais qui plaçait celui qui en était investi dans la plus grande intimité du roi. Car Louis XIII était le chanteur de la tourelle. Il voulut attacher à sa personne l'homme qui avait le mieux su apprécier le talent auquel il attachait le plus de prix, celui de composer et de chanter des romances. Bizarre et mélancolique, il se retirait souvent pour jouer du luth et moduler des couplets sur les douleurs et les néants de la royauté dans la partie de la forêt où Chalais l'avait entendu. Pour compléter la position brillante de Chalais, il ne lui manquait plus qu'une liaison avec l'une des femmes célèbres de la cour, et là où son bonheur pourrait exciter le plus d'envie. Cela ne tarda pas à lui être accordé. La beauté, image du ciel, mais image fugitive, voit ordinairement sa renommée s'éclipser aussitôt qu'elle-même, mais quand elle se trouve réunie à un rang élevé, elle fait partie de l'histoire et s'attache au souvenir de celui qui l'a possédée. Tel fut l'éclat qui environna Buckingham, ambassadeur d'Angleterre à la cour de Louis XIII. Cet homme ne passa que 2 années en France. Il y devint célèbre, et après 3 siècles, il conserve un nom entouré d'un prestige inexplicable. On s'occupa ardemment de savoir quelle femme aurait la gloire d'attirer l'amour de cet homme, de le recevoir et de le partager, car il semblait qu'il ne pût l'offrir en vain. On crut d'abord que la beauté privilégiée serait la célèbre duchesse de Chevreuse, veuve, par conséquent libre et brillant encore de toute sa beauté et de l'éclat que la haute faveur d'Anne d'Autriche répandait sur elle. Les hommages que le brillant ambassadeur lui adressa, le bonheur avec lequel elle paraissait les recevoir, la couronne triomphale qu'il semblait jeter sur son front, allaient fixer sur elle toutes les conjectures lorsqu'un jour la reine accorda à Buckingham la faveur de figurer avec elle dans plusieurs ballets. Cette grâce, et surtout le trouble que Anne laissa plusieurs fois percer en sa présence, ainsi que l'animadversion profonde qu'elle témoigna à ses ennemis, fit penser que Buckingham avait porté ses vœux jusqu'à la beauté couronnée et que là même il n'avait pu être dédaigné. Les choses en étaient à ce point lorsque Chalais devisait un soir avec Montmorency sur les beautés de la cour. « Non, sur l'honneur, disait le jeune Henri, je ne vois rien ici de si beau que Valentine de Chevreuse. « Moi, je préfère la jeune reine, dit Montmorency après un moment de grave réflexion. La beauté d'Anne d'Autriche est d'un tout autre ordre que celle de la duchesse de Chevreuse. Toutes deux sont douées d'une manière inverse au rang qu'elles occupent. Anne semble la plus humble fleur du parterre, tandis que Valentine en est la rose. Alors c'est la rose des 4 saisons, car elle est bien près de fleurir en automne. N'en plaisantez pas, Montmorency. La première fois que j'ai vu cette femme, que j'ai rencontré ses yeux, j'ai senti qu'elle aurait une grande influence sur ma destinée. Est-ce qu'on croit encore au pressentiment dans le Périgord? J'en serais fâché pour celui-ci. Les hommages que le superbe ambassadeur adresse à la duchesse et la manière favorable dont elle les reçoit font préjuger qu'elle est assez fortement engagée de ce côté et que ce n'est point avec elle que vous ferez vos premières armes. On dit au contraire que Buckingham, indifférent pour toutes les beautés qui se trouvent sur l'avenue du trône, n'a vu que celle qui l'occupe et n'a pu s'éprendre que d'elle. Je ne le nierai pas. Alors pourquoi me disiez-vous que l'amour de l'ambassadeur pour la duchesse vous semblait avéré ? Puisque vous pensez que c'est celui de la reine qui l'occupe. Parce que, dans mon opinion, l'un n'exclut pas l'autre. Le cœur de l'homme a des trésors inépuisables, mon cher Henri. Vous le saurez en vivant. Ah, C'est un éloge qui le calomnie. Eh bien, au lieu de perdre votre temps à vous fâcher contre moi, commencez à agir. Portez vos hommages aux pieds de la duchesse, réalisez vos espérances, combattez, triomphez. C'est le meilleur moyen de me prouver que j'ai tort. » Telle était bien l'intention de Chalais. Il chercha partout la présence de la duchesse de Chevreuse. La pourpre unie au blanc étaient les couleurs qu'elle portait de préférence. Il en revêtit ses gens, ses équipages, il en décora son appartement, il en surchargea ses armoiries pour voir partout ces couleurs qu'elle aimait et pour paraître s'inféoder ainsi à sa suzeraineté. Dans les jeux où il triomphait, il lui fit hommage de toutes les couronnes qui lui étaient décernées. Puis comme, grâce à sa jeunesse studieuse, il était un des hommes les plus lettrés de la cour, il lui adressait chaque jour de longues lettres où un sentiment vrai et profond, comme le feu sacré qui purifie tout, effaçait la manière recherchée et l'esprit prétentieux de ce moment. La belle duchesse reçut pendant quelque temps ses soins avec indifférence. Elle n'avait pas même l'air de se souvenir le jour de la peine qu'elle avait causée la veille à son jeune amant. Il pouvait bien plutôt lui reprocher l'oubli que la cruauté. Un jour, cependant, par le plus soudain changement, elle répondit à l'une de ses lettres d'une manière qui donnait plus que des espérances. La veille au soir, la reine, qui avait dansé avec Buckingham une figure espagnole très vive et très entraînante, s'était trouvée mal au milieu de cette danse, et le lendemain, les femmes qui assistaient chaque jour à sa toilette et connaissaient parfaitement tous ses bijoux, avait pu remarquer au doigt du bel ambassadeur une bague de perles qu'elle portait habituellement. C'était ce jour-là même que Madame de Chevreuse avait écrit à Chalais.